J'ai trempé ma tête dans une bassine d'eau froide pendant que tu fais la fête. Dans ma vie, je me noie. On m'a toujours dit de surmonter les soucis tant que la mort n'est pas ici. Profites-en, bien souris. Je me retrouve face à mon destin comme face à une impasse. Pas besoin de faire un dessin, y'a un barrage, faut que je le passe. Ou je reste et on m'efface. Certains disent, marre de la vie, je veux toucher la mort. Laisse dans une tombe bien vide que tu trouveras réconfort. Même si la vie est dure, profites-en bien pendant que ça dure. Sur l'arbre de la vie, on n'est qu'un fruit bien mûr qui, une fois leur prédit, tomber devient pourriture. Du bonheur passe au malheur, d'une chaleur au cœur passe à la rancœur d'un tueur. Si tu nages dans le désespoir, laisse faire le temps. Range le couteau ou le rasoir, demain tu seras content. Que la vie est pleine de rebondissements, tu serais prête à mourir pour une histoire doucement. Réfléchis, t'auras bien d'autres moments où le bonheur et toi seront dans le même compartiment, s'unissant. Parce qu'on rêverait d'avoir une vie si parfaite, une vie où seul le bonheur serait à ta fenêtre. Mais au résultat, chaque jour, c'est pas la fête. La vie telle qu'elle est, mec, il faut que tu l'acceptes. Le jour où tu aimes, au point à en mourir, tu comprends que c'est un traître et tu ne fais que souffrir. S'il préfère t'oublier pour fumer un joint chargé, prions Dieu pour qu'il soit puni et toi récompensé. On n'obtient pas souvent ce que l'on a mérité. La vie a souvent tendance à tous nous irriter. Ton cœur comme son shit est en train de s'effriter. Vas-y, relève la tête, prends la vie du bon côté. Ça ne sert à rien de boycotter ton humeur pour un boy drogué. L'amour c'est bien, mais quand c'est réciproque, ça ne sert à rien de dire je t'aime à un mec qui s'en moque. Un jour, je te le promets, ton amour te sera rendu. Et ceux qui t'ont fait souffrir, ouais, ils seront tous perdus dans leurs mensonges. Et tu pourras vivre enfin avec un ange qui te tiendra par la main. Que la vie est pleine de rebondissements, tu serais prête à mourir pour une histoire doucement. Réfléchis, t'auras bien d'autres moments où le bonheur et toi seront dans le même compartiment, s'unissant. Parce qu'on rêverait d'avoir une vie si parfaite, une vie où seul le bonheur serait à ta fenêtre. Mais au résultat, chaque jour, c'est pas la fête. La vie telle qu'elle est, mec, il faut que tu l'acceptes.